Salade tomate et sans oignon, mets de la sauce sur les frites. Tu mets l'élastique sur le pognon, voilà. Y avait trop de billets de 10. Oui. Dites-moi le prix de la Merco. Dieu merci, je connais plus la crise. Non. Je te paye en quoi? Billet de banque ou billet du crime? Bien. Billet orange ou billet vert? Hein? Tu veux la blanche ou bien la verte? Quoi? En combien de temps tu vas le faire? Combien? Je vois le con, on va pas me la faire. Non. Il a plus de cartouches et je vois que la météo on n'a pas prévu l'averse. Si je monte sur un plan et que je vends l'argent, c'est pour rentrer avec. Voilà. Sale comme là. Chata, liquide, minage. C'est moi qui fais l'oseille, pétasse, fais le ménage. Ramasse. Le cul de ma maîtresse et moi le chéri. Pardon, c'est pas ma faute. Hein. Mon gars t'as vu ton pote à Pouka, il leur a dit que c'est de ta faute. Hein. Balance. Pardon, je n'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu veux savoir? On fait de la trappe, mon pote. On vend la dope, mon pote. On vend la weed. Ma mère ne travaille plus. Quelque part, je suis ravi. On dit qu'on joue le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô, je reçois un coup de fil des guides. Les ennemis veulent un bail. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ramène. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête. Shoot, balle dans la tête. Shoot, balle dans la tête. J'suis dans le bendo pour l'instant. La cagoule effrayait la banquière. Le gamos a passé la frontière. Oh maman Makosa, on veut des yébis qu'on fait dans le coussin. Bendo. Oh maman Makosa, depuis que j'ai percé, j'ai beaucoup de coussins. Oui. Balle dans la tête, t'es parti en premier, mais c'est moi le meilleur. Voilà. Fonce, tu casses pas la tête. Même où j'habite, la guetteur devient dealer. C'est nous en parlant en bail, c'est nous en parlant en zère. C'est nous les plus violents de toute la France entière. Ah oui. On dit qu'on joue le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô, je reçois un coup de fil des guides. Les ennemis veulent un bail. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ramène. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête.